J'ai remis mon retour à Zio. Ah d'accord. Ouais, ça c'est bizarre. 1, 2, 1, 1. Je monte pour voir. 1, 2, 1, 1, 1. Toujours rien. Ping.